le progrès, l'indépendance, la paix. Voilà donc quels sont les buts conjugués que poursuit notre politique. Il va de soi que cette action d'ensemble est désapprouvée par ce qu'il faut bien appeler l'école du renoncement national. Aux esprits, aux partis, aux journaux qui lui appartiennent, l'idée même que la France puisse jouer un rôle qui soit le sien apparaît comme impossible, dérisoire, voire scandaleuse. Indépendamment des partisans d'un régime totalitaire qui ne considère ce qui se passe chez nous qu'en fonction de leur visée de destruction, c'est bien cette étrange passion de l'abaissement qui inspire tant d'hostilité à l'égard de la grande entreprise du renouvellement français. Dans le drame célèbre de Goethe, Méphisto se présente ainsi. « Je suis l'esprit qui nie tout. » Or, en écoutant les conseils de Méphisto, l'infortuné docteur Faust va de malheur en malheur jusqu'à la damnation finale. Française, Français, nous n'en ferons pas autant. Repoussant le doute, ce démon de toutes les décadences, poursuivons donc notre route. C'est celle d'une France qui croit en elle-même et qui, par là, s'ouvre l'avenir. Vive la République! Vive la France !